Chapitre 18e, la valise ou le cercueil. En revenant chez lui, Karim trouve sa mère et sa sœur en compagnie de la cousine Kaira. Les trois femmes, assises sur le divan, présentent des expressions d'une extrême désolation. « Qu'est-il arrivé ?» demande le nouveau venu, soudain très inquiet. Les femmes le regardent sans répondre. « Kaira, reprend Karim, dis-moi donc quelque chose. » Elle attend un instant puis déclare, d'une voix étranglée par l'indignation, « On m'a licencié du travail. »« Licencié ? D'une entreprise étatique ? Toi qui dirigeais tout un bureau d'architecture avec une dizaine de subordonnés, et cela depuis une dizaine d'années, pour quel motif ?» Elle raconte les faits. Un matin, elle fut convoquée dans le bureau de la directrice générale. Elle avait l'air très contrariée. « Pourquoi ? Demanda-t-elle d'un ton très autoritaire. « N'as-tu pas encore signé le projet que je t'ai envoyé ?»« C'est, répondis-je, parce que le projet en question concerne une construction immobilière. Or, le terrain demandé par son constructeur est destiné uniquement à l'agriculture. Donc, le projet en question n'était pas acceptable. « Ce n'est pas ton problème, je te demande de signer le projet comme valable et c'est tout. Je ne peux pas, car ce projet est contraire à la législation en vigueur et je ne peux pas me rendre coupable d'un acte violant la loi. » Encore une fois, ce n'est pas ton problème. Signe, et c'est tout. C'est moi qui te l'ordonne. Ma conscience d'architecte me l'interdit. La directrice la dévisagea un bref instant, puis lança. Le propriétaire du projet compte, pour te remercier, t'offrir une compensation sous forme d'argent ou d'un beau logement gratuit dans le complexe d'immeubles, une fois construit. À toi de choisir. Je sais que tu habites chez tes parents, dans une tour de grande terre, donc cette offre te sera très convenable. « Ma conscience me l'interdit, » répéta Kaira d'un ton calme et respectueux. « Et moi, je te dis que ta conscience n'a rien à voir ici. Tu es mon employé, ma subordonnée. Dès lors, fais ce que je te dis, autrement je serai obligé de me passer de tes services, bien que je les ai toujours hautement estimés. » Kaira se tait. « Et alors ?» la relance Karim. Kaira continue son récit. « Alors je me suis adressé au secrétaire de la section syndicale de notre entreprise. » Elle relate le dialogue qui eut lieu. « N'aie aucune crainte, Kaira, » affirma-t-il. « Si la directrice t'a dit de valider le projet, fais-le. En plus, tu gagnes une belle récompense. » « Bien entendu, » poursuit Kaira en s'adressant à Karim, « j'ai compris de quel côté était ce prétendu syndicaliste. J'ai refusé. Le lendemain matin, retournant à mon travail, j'ai trouvé mon bureau occupé par une autre employée et mes affaires mises dans le couloir. J'étais licencié. » « Ensuite, » veut savoir Karim, « n'as-tu pas cherché un avocat pour défendre ton droit ?»« Je l'ai fait, » dit Kaira. Par chance, l'avocat fut honnête avec moi. Il me déclara, « Comme toi, j'ai une conscience. Je t'avoue donc que tu ne feras que dépenser de l'argent en ma faveur, car j'ai eu plusieurs cas comme le tien, et je n'ai jamais réussi à gagner la cause, bien qu'elle était totalement légitime et conforme à la législation en vigueur. Et tu devines pour quel motif ?» Indigné, sans être surpris, Karim ne sait quoi dire. « Alors, continue sa cousine, j'ai décidé de quitter le pays. » Karim, stupéfait par ses décisions, demande « Pourquoi ?»« Où veux-tu, s'explique-t-elle, que je trouve du travail à haut rang, à présent que je suis marqué comme opposé à la corruption ?»« Tu sais bien qu'elle conditionne tout dans notre pays. » Elle ajoute. « Après mon licenciement, la directrice m'a appelé et m'a dit textuellement « Si tu rends public le motif de ton licenciement, tu auras creusé ton cercueil. Aussi, je te conseille plutôt de prendre ta valise et d'aller chercher ailleurs où ta conscience n'aura pas de problème. » Kaira conclut. J'ai donc voulu venir vous saluer avant de partir. Pour aller où ? Demande Karim. Au Canada, au Québec. Là, ils ont déclaré avoir besoin de personnes compétentes, et mon profil professionnel est très respectable. Pourquoi pas la France ? Veut savoir la mère de Karim. Parce que le Québec ne me rappellera pas de mauvais souvenirs du passé. Tu sais que mon grand-père, parce qu'il combattait le colonialisme, fut arrêté, torturé, puis égorgé par les para-français. Pour faire croire qu'il avait été un traître, donc éliminé par les siens. Elle sort de son sac un petit chiffon de couleur rouge contenant quelque chose de forme ronde. « Je suis allée, dit-elle, sur la tombe de grand-père, et j'ai pris ce peu de terre. Je l'emmènerai avec moi dans mon exil. » À la fin de ce récit, Karim baisse la tête et demeure silencieux. Inutile de décrire comment se déroulent les adieux de cette cruelle séparation. Il y a des situations où toute langue humaine est impuissante à rendre compte de certains sentiments et comportements trop complexes.